on va parler de football. C'est une personne à parler avec François Laberge de son recrutement parce que c'est une période très, comment dirais-je, importante pour le football collégial. On en parle avec Nick Menachie, maintenant des Cougars de Chicoutimi, savoir comment ça a été son recrutement. Salut Nick! Salut Danny! Nick, effectivement, donc c'est très, important. Tu es d'accord avec moi là-dessus? C'est l'avenir de l'équipe, en fait. Là. Absolument. C'est le présent, c'est le futur de l'équipe. Ouais. Donc, c'est une période très, très achalandée, une période qui bouge beaucoup. On s'assure d'avoir le nombre de joueurs et d'avoir les joueurs qu'on veut avoir le plus possible dans notre club. OK. Comment ça va être cette année? Est-ce que tu es content aussi? C'est sûr qu'on est trop content, j'imagine. On pensait avoir fait les meilleurs choix, mais là, comment tu vois ça? Ben, ça dépend toujours des années. Il y a des années où on se disait, bon, ben cette année, on a tel joueur qui s'en vient avec nous autres. On a un bon recrutement, mais... je veux dire, moi, cette année, j'avais pas besoin de recrutement comme mes dernières années. J'ai longtemps eu besoin d'aller chercher une trentaine de joueurs à chaque année parce qu'on perdait des joueurs et des joueurs qui arrêtaient de jouer. Là, cette année, j'ai un gros noyau de vétérans. Mmh. On a ajouté des joueurs, là, vraiment des joueurs d'impact qui vont avoir qui vont pouvoir nous aider dès la première année. Donc oui, on est content là, de notre recrutement, compte tenu de la situation qu'on a avec nos vétérans. Oui, effectivement. Donc... ta plus grosse acquisition, ça vient de la France, quoi? Je sais que tout le monde part en France, donc voilà. Non, j'ai des acquisitions ici, là, au Québec, okay. Là, des joueurs qui vont avoir un impact directement. Là. Je veux pas nommer personne parce que j'en ai trop. J'ai plusieurs joueurs là, qui sont des joueurs qui mériteraient d'être nommés là. Mais j'ai des joueurs là, de chez nous, là, des joueurs de Dominique Racine, des joueurs qui vont pouvoir avoir un impact rapidement dès la première année. OK. Si on parlait de... Donc, est-ce que du côté de la campagne hivernale des pratiques, est-ce que tu as commencé aussi? Oui, j'ai commencé notre première pratique, c'était samedi. OK. Il y a deux jours. Donc, ça s'est super bien passé. Les vétérans étaient là, les joueurs recrues. Il manque des joueurs. C'est certain qu'il manquait des joueurs. Il manque toujours des joueurs pendant les pratiques hivernales. Malgré ce qu'on a vu, là, c'était vraiment très, très, très, très, très prometteur pour nous. En plus de ça, avec les acquisitions qu'on a fait en France, puis certains joueurs là, qui vont se greffer à nous, là, des transferts de d'autres équipes qui vont se greffer à nous bientôt. Le portrait va commencer à ressembler. Le gros portrait de l'équipe va seulement être total au mois d'août. OK. Donc, c'est pas mal intéressant. Tu penses donc qu'il est trop jeune encore pour parler un peu de comment tu vois ça, l'équipe, cette année, là? Ben, je veux dire, je pars juste avec l'idée là, que cette année, j'ai un carrière de deuxième année. J'ai deux carrières de deuxième année qui sont là, Olivier Arsenault et Thomas Martel. Donc, tout de suite en commençant, je commence avec des carrières qui ont déjà une année de maturité, qui ont déjà joué un match en playoff, deux matchs de playoff. J'ai un porteur de ballon, Yanis Bakanti-Paulin, qui est sur l'équipe étoile l'année passée, qui est de retour. Au niveau de la ligne offensive, c'est là qu'on a eu plusieurs pertes. Il nous reste quand même quelques joueurs. C'est là qu'on a fait plus de magasinage en France. On a un joueur d'impact là, des Mustangs, là, Nicolas Lavoie, qui s'est joint à nous aussi, qui va avoir du terrain. Donc, quand on regarde les joueurs qu'on a sur place, nos receveurs, je veux dire, on a perdu un receveur de l'an passé. Donc, on va avoir une équipe assez mature à ce niveau-là. Donc, quand on regarde les joueurs qu'on a dans le gymnase, même en défensive, on est capable de se dire, tu sais, mes transferts de division 1 l'année passée qui ont été suspendus, ben ces gars-là, ça va être des troisième année l'année prochaine. Là, Alexis Bradette, Vincent Bouchard, Alex Tanguy, donc ça va être des gars Félix Rainville, c'est des gars qui vont être des joueurs de troisième année, donc ça va avoir un impact, c'est sûr, et certain, rapidement avec l'équipe. OK. Ben, Nick, on va se tenir au courant encore une fois de ce qui se passe avec les Cougars. Dès que tu as quelque chose, gêne-toi pas. Super, merci Danny. Voilà, donc l'instructeur des Cougars de Chicoutimi, Nick